Er weer een uur, dat zullen we heen en bijzonder. C'est l'heure de retrouver Hind à Brésonc. Alors, je ne sais pas si les auditeurs entendent, mais moi j'entends, c'est le tic-tac de l'horloge chez Henri Le Naou, j'aime bien. Oui. Henri, enter Brésonc, kentel, père Hand, no à Enterkand. Juste mot, 459. Et, ben voilà. Et donc, aujourd'hui, pour commencer, Gary Warvu. Alors, on était passé l'autre jour, on avait parlé rapidement de des mots qui se terminent en adur. Adur, hein, comme plijadur, zevenadur, tout ça. Et j'avais dit qu'ils étaient masculins, sauf plijadur. Et puis, je me suis dit que c'était quand même bien de revenir un petit peu, on avait passé rapidement là-dessus, d'en reparler un petit peu. Alors, le adur, c'est un suffixe, donc on met après un mot, à la fin d'un mot, qui traduit le résultat d'une action. Et en général, il est bâti sur un... Donc, il est généralement masculin, ça je l'ai déjà dit. Et en général, il est bâti à partir d'une racine qui est en général la base verbale d'un verbe. D'accord. Donc, par exemple, zavadur, là, c'est le verbe sevel, hein, bâtir, lever. Et la base verbale, c'est sav. Hein, par exemple, le participe passé, c'est savet. Hein, et on a construit là-dessus zavadur. Qui veut dire ? Une construction, un immeuble, un peu de tout, quoi. Donc voilà, pour ce mot zavadur, hein, donc qui dérive de sevel. Hein. Ça va, et au pluriel, zavaduriu. Alors la plupart des pluriels sont you aussi. Hein. La plupart des pluriels de ces mots-là sont en you, comme zavaduriu. Alors, je vais donner quelques autres exemples. Kemadur, hein, celui-là, c'est presque le premier mot qu'on entend quand on suit des cours de breton. Les mutations, la mutation en tout cas. Oui, Kemadur, hein, donc mot masculin, je veux dire, donc qui donne Hemadur. Hein, et au pluriel, Kemaduriu, hein, par exemple, Kemaduriu drevlotat, là, les mutations par adoucissement, hein, KTG, etc., bon. Qu'a-t-elle te prie de bien manger ? Gentiment de bien manger. Gentiment de bien manger. Voilà. Et Gulven dînera bien chez Zaza vendredi 20. Un jour. J'adore. Un jour, on reviendra là-dessus. Mdroadur. Donc, bon, ça montre qu'on peut faire des mots, des néologismes. Hein. Mdroadur, c'est l'évolution. Hein. Un Mdroadur, hein, l'évolution. Qui est un néologisme des années 1930. Hein. Digoradur, hein. Là c'est pareil, on a pris la base verbale du verbe digor et digoradur, l'ouverture, l'introduction. Digoradur. On l'emploie aussi des fois pour l'inauguration. Il y a un autre mot, mais souvent on l'emploie pour une inauguration d'une exposition ou d'une route ou de. Et à un moment donné, on faisait beaucoup d'inaugurations sur la route 164. C'est celle qui a donné le lieu au plus d'inaugurations. C'est pas fini. tous les deux kilomètres, petit four marseillaise. Bon. Et ce n'est pas terminé. Ça dure depuis 1965. Hein. Voilà, trohadur, une coupure. Hein. Là, c'est pareil, troh, la base verbale du verbe couper. Hein. Voilà. Beradur, hein, donc, qui est construit sur berad, hein, qui veut dire... raccourcir, donc c'est une abréviation, un résumé. Hein. Voilà. Alors, Nevezadur, le renouveau, la renaissance. Hein, il y a une association à Saint-Brieuc qui s'appelle comme ça, Nevezadur Bourg-en-Brieuc. Donc, c'est sur la racine Neve, hein, qui a donné Nevezat, rénové. Alors, Enroladur, hein, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, un enregistrement, hein. Enrolant, le verbe enrolant, qui veut dire enregistrer. L'oncadur, l'absorption. Ah oui, ouais, ça peut être ça. Absorption, souvent brutale. Alors, un mot qui est amusant aussi, alors celui-là est d'origine religieuse, temptadur, la tentation. Ah. La tentation. Juste après l'absorption, la tentation, quand même. Oui, bah oui. Alors, puisqu'on est dans les mots d'origine religieuse, il y en a un autre qui est crouadur. La création, on est dans le religieux, là aussi. Là. Alors non, crouadur, c'est la créature. Créature, oui. Créature, oui. C'est pas la création, c'est la création. Alors, c'est un mot, qui est emprunté à l'Évangile, hein, et même à la Bible, hein, croadur. Et il se caractérise par un pluriel en yène, lui. Hein. C'est une exception, c'est croadurienne. Hein. Roué atta di croadurienne, disait le cantique. Hein. Roué atta di croadurienne. Roi et père de ses créatures. Il parlait de Dieu, quoi. Voilà. Et alors, c'est un mot qu'on trouve, qui était employé aussi, peut-être moins maintenant, mais qui était employé pour dire un enfant. Roadur. Hein. Par exemple, dans certains chants. Dans certaines chansons, oui. On dit Seis Croadur. Seis Croadur, voilà. Oui, ça, c'est un mineur. Hein. Oui. Chanson de l'orphelin. Oui. Dans plusieurs chansons, on trouve ça. Mm. Hein. Une femme restée veuve avec ses sept enfants. Seis Croadur. Alors là, il y a un côté symbolique. Hein. Le 7 est un chiffre très symbolique, quoi. Ça veut dire nombreux. Hein. C'était pas forcément 7, mais Seis Croadur, hein, comme on dit, de Seis Possum aussi. Ah, oui. Hein, c'est un. Robert et Seis Possum. Oui, c'est un chiffre très symbolique. On avait déjà parlé de ça, hein, du mot Seis. Donc Croadurien. Alors Livour, Livadur, hein. Livour, donc le peintre, et Livadur, la peinture. Hein. C'est aussi pour la coloration, pour la teinture. Hein. Voilà. Alors, Mboudadur, ou Mboudadur, qui est le greffage. Mboud, hein, greffe, Mboudan, c'est greffé, quoi. Voilà. C'est en ce moment, hein. C'est, oui, il y a plusieurs périodes. Mais en ce moment, on peut faire la greffe enfante, à condition que le père soit réveillé et que le fils soit endormi, quoi. C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire qu'on doit prélever les greffons un certain temps avant, les mettre au nord, pour qu'ils ne se réveillent pas trop vite et que le porte-greffe soit en sève et pas le greffon. Et à ce moment-là, ça marche très bien, quoi. Mais si le greffon est réveillé lui aussi, ça risque d'être juste, quoi. Voilà, parce que le porte-greffe pousse la sève dans le greffon, quoi. Et donc on disait ça. Hein, c'est joli. Ouais. C'est joli, hein. Un tas d'une à mob cousquette. Voilà. Zotradur, la souillure et par extension la pollution. Aujourd'hui, on l'entend surtout pour pollution. Hein. Voilà. Alors, osadur, c'est la mise en œuvre de quelque chose. Hein. Un osadur, la façon dont c'est construit, l'assemblage. Un mot qu'on entend souvent dans le RKB maintenant, stumadur. Stumadur, une formation, la formation. Stumant, c'est d'ailleurs, il y a stumdi, hein. Bon, tout ça, c'est la formation. Voilà. Un qu'on entend moins souvent, mordéadur, la navigation. Ça, c'est un mot un peu rare, mais bon, qui est bad. Alors, magadur, on avait déjà parlé l'autre fois, hein, la nourriture. Hein. Mouladur, l'édition. Closadur, donc la conclusion. Closadur, hein, la clôture, la conclusion. Et puis, bah, pour finir, l'exception, qui confirme la règle, hein, celui qui est féminin, pligadur. Et puis son collègue, displigadur. Le chagrin, la contrariété et tout. Vaut mieux rester sur pligadur que sur displigadur. Bon, on en reste là. Alors, pour Guerriou Arvué, on passe à Braison Nectant Matambe, la seconde partie. Thank you. C'est la seconde partie. Brezhoneg-Tan Matam, on part à Zantoluk, puisqu'on aime bien ce petit village, parce que c'est un village très particulier. Henri, tout le monde parle breton. Voilà. Et puis aujourd'hui, on va aller dans un hameau qui s'appelle Kerizel, sur la route de Kalak, qui est à 2 kilomètres du bourg, et où il y a une jolie petite chapelle du XVIe siècle. Et donc, il y a une association qui s'en occupe, qui est Mignon Zandern, et donc qui organise un pardon annuel le premier dimanche de mai. Et donc, c'est le vieux recteur qu'on a souvent rencontré qui va être interviewé par Chanik. Salut, autre personne. Peux-nous m'en compte? Matré Chanik, à Braouen Amza. L'arrêt d'Inta, prestique vos pardons de chapelle Kerizel. Ya Chanik, de Zultien Tander Vizme, vez pardon de Zandern, Batier Rizel. Petra Végret, vidar pardon. Oh, pardon de mot de cause, et de ze beur et Végret de Naverne, à de Nabordé, à Gousse Péro, à Waller, vez Roariou, et vid Didu Yendut. Reda de Guardrod, Bazioud, Zéchanwar Gordon, Tulmin Pouez, Ahuayboul ou Eveljust. Rantik zo evid Zantern? Ah, ya, Gret ebit gant notre Gret, ou a person bazanto, luk de Hulse, Spenkan Lasso. Wardron, Waranton, Laudate Mariam. Pesserton. Laudate Mariam, sais-tu, dis seulement. Aux Andernes, tad par aux Antolec, Chilowet, Miopet, Péden au Pugalé, Zanterne Waganet, Guigel Breisver, Agabrédois de Hut, de Chombe Breisisel, aux Andernes, etc. Etc. Et on reprend phrase à phrase ce dialogue entre Chanik et Iwan Andu, donc recteur à Zantoluk. Chanik, salut d'autres ou personne. Pénose mon compte. Oui, bonjour monsieur le recteur. Comment ça va? Iwan, matré Chanik. Ah, bravo et en amzer. Bon, très bien, Chanik, et le temps est beau. C'est vrai d'ailleurs, aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Larit Dinta, prestique vos pardons de chapelle Kerizel, demande Chanik. Oui, alors dites-moi donc, bientôt il y aura le pardon de la chapelle de Kerizel. Et Iwan répond, ya Chanik, darzul kentan avizme, et ve pardon de Zantern, ba Kerizel. Et oui, Chanik, le premier dimanche du mois de mai, il y a le pardon de Saint-Ernin à Kerizel. Chanik demande, Petra Végret, vidar pardon. Qu'est-ce qu'on fait pour le pardon? Petra Végret, vidar pardon. Et Iwan de répondre, oh, pardon de mot de cause, de oui. Beurré, Végret en Auvergne, de Nabardé et à Gospero. Voilà, c'est un pardon à l'ancienne. Le matin, on fait la messe, et l'après-midi, les vêpres, Gospero. À Warler, et Vé Roariou, vide du Duyen Dut, Reda de Guardroite, Bazioud, Sachan War Gordon, Telormine Pouis, à Roariboulo, Veljust. Oui, voilà. Et après, à Waller, hein. Verroariou et vite didu yendut. Il y a des jeux pour amuser les gens, pour les distraire. Reda de Guardrot, donc c'est la course à pied. Bazioud, hein, le Bazioud, bien connu. En français, c'est Bazioud aussi. Zéchanwar Gordon, hein, le tir à la corde. Telemine-Pouis, hein, le jet de la pierre, hein, c'est-à-dire le lancer de poids, en fait. Ahuariboulo et Veljust, hein, et puis jeu de boule, bien entendu. Rantik Azo, Vine Zantern, demande Chanik. Oui, voilà, elle veut le faire chanter un peu. Alors, il y a un cantique pour Saint-Ernin. Ah, ya, Zave des bêtes Spenklan Vlasso, mais on en a trop grette. Et oua personne son tolèque d'Arulse. Wardon, Laudate Mariam. Voilà. Ah oui, il a été fait, Zave des bêtes, hein, depuis plus de 100 ans, par l'abbé Le Grette, hein, qui était curé de, enfin, recteur, plutôt, à l'époque, on disait ça comme ça, qui était recteur de Zantoluk à cette époque-là, sur l'ère de Laudate Mariam. Et bon. Cette autre ougrette-là a bien existé. Ce n'est pas un personnage fictif. Alors, quand on dit Spen, c'est Ouspen? Ouspen, oui. Mais on abrège, on dit Spen. Spen Kan Lasso, depuis plus de 100 ans. Alors, Chanik demande, Pesserton. Voilà, quel air? Alors, c'est Laudate Mariam, c'est un air d'un cantique latin. Et puis après, il chante le cantique. Hein. Aux Anternes, Tad par aux Antolec. Oui. Tad par aux Antolec. Oui, alors, au Saint-Ernin, Saint-Ernin, père de la paroisse de Zantoluk. Chila wit meopé, pédé nos pugale. Écoutez, nous vous prions la prière de vos enfants. Zantern et Waganet. Saint-Ernin était né. Wishall et Braceveux. Autrefois en Grande-Bretagne. Mais de vrai, des voix d'Evet, d'Achaud, mais Braceveux. Mais après. Mais, ou pas deux, pardon, pas d'Evet. Oui, ouais, il n'était pas brûlé, oh là. Après, il doit deux, là, il était venu habiter en Basse-Bretagne. Comme beaucoup. Voilà. Et Saint-Ernin, bon, il est célébré un peu partout, hein, en particulier à Locarne, à Saint-Ernin, et puis à Locarne aussi, le premier dimanche de mai aussi. Ça approche ? Hein, ça approche. Bon. On va en rester là pour la partie dialogue. On passe maintenant à Pétrazonet-Vervraud avec Henri Le Naou. Pétrazonet-Vervraud. Ma calze de draus au Nevervraud et veljus buervej di ouzon. Krogom de diantan et velkiz a custum, gandelor bour douar hag vu e war armez. Bal de diantan mis ebrel, de diantan mis rebel, pilar in mod, oa echu en abaden evit o hotayou war a lez. Hotayou zo oa be lak de pleustre pe oa be de Rocard, un autre Rocard, ou un ministre de l'Ordre d'Ouard de Houls, avec très grand de l'assaut, hein, puis tu vois, Zéwaba Bla, père à Perugen. Avec de Houls, ou avec Calzedud, à Wayen de Rotayo, avec le rendre vraiment au Calzedud, à Zoyen de Ténonémez. Disevé qu'on, non, or, très grand de là, ne change d'un trou. Bon, n'est que bran à goutte, puis on draval, puis on dravalé, d'un lard à Vondra Spontus, d'un lard à vos on drava de vite en mesure de zone laisse bavro bon red vos gueule un peu sa mode vos con ag réveo vélo de ce que gueule belzo ou abé de salon de l'arbre d'ouar ba paris comme moi me de c'est ag vide vide gis lambiquet goudrait pétarier gis lambiquet non c'est un gars avec l'air de pomo. Ah, bien. Alors, Gis Lambiquet, c'est du wabé de Zoro d'Orprise, Vidal en Auer, Pilar in Mod, d'Orstal Varangem, Zo Balanuyon. Un des grès de Gis Lambiquet, hein, Zo Matri, Zo Arm, parce que Bitan venant, mais Zo Matri, puis d'un des bé de Vidal en Auer. Comme ce vécal de Ormar et Mond de Zo Wispen Broasie, bon, mais ce que non prévendent, hein, on se, ils ont les Vespa valu, Velutina nigritorax, hein, ag, galak velard frelon asiatique, ag, bredon, bref, wispen boasi, ag, bon, calze, le, en prévendent de, ve, distruge de grande longe, à Tristol, leur gwenon, ag, bon, longe, zoaï, bavro, boue, d'auville père, de diant en wa trop de Bordeaux, bah bro Gironde, à wa l'air ne s'non l'aide, wa tout de Provence, pe quasi tout de Provence. Ag bon zira Kalsdruk de Gwenan, sais-tu vraiment là que Pécho évite tapoilon, hag Pécho ve là que bir bande cassi, on espèce qui en ma personne gret grande bir. A mesang blijazé de. Bon, sais-tu. ma treize en vogel de Pécho von tam pe blair vit tapoilon, à la cabire des grandes cassis. Des vaisseaux ou à gwell Hamelia, bah Gwengam, à gwe blanc men zo ben deptor dud vid de Blaiowel, puis dio à Nams ou à Spontus, hein. Mais bon, même me sera zo bécal ze dud, hein, à gwe ker ou antro et vel juste. Bah parouz melionnek de zbe des vaisseaux, leur prise, hein, et vid la bourrade heb l'ouzeyer chimique, hein, zézo, prise zéro phyto vegat de zé, quoi. Hag, vide, villa calendu de ziran, in plij, produit ou chimique, hein, vide l'art, planté, nous, à beb sortre ou. Hag, bon, zézo, bouez, vide, parous, million, donc, plus dur, m'emmen escorf, zo, ba million, donc, evel juste. War, d'acheneur politique, eres, tramène des votades ou évident département chou, ag vidéo de Wenarvor et de Mout, gan un tu gwen. Ag vraiment un tu clé, je vaux ben tu es une bevel juste. Pe content de ce votade ou ne meus que clé comme scals de ce brison de gan de rewakas mon noir à rink, politiquaire, yendre vras, n'y que genre le grand zé, je vois. Mais bon, on peut dire ce mon compte, quoi. Logivi plus grosse, mais l'arrivée, zobe had digor, un des vaisseaux, un hostelier, ils ont rendez-vous, Saint-Émilion, n'est que de blanc mort d'orguin, hein, Jean-Jalre Fendut, bon, ben hostelier, ils ont rendez-vous, Saint-Émilion, ma treize en vegred, mais de, zandé millions, puis, brezon, le velard zand million, zand de braise, à goette, broa qui tend de chom à l'air, disons qu'os veka venzan des millions vie de guine. Agaster, zo batro, oas au batro, zo batro logivi ve gred, Saint-Émilion de son, mais n'est que de médour, hein, ne ce que guine barz, hein, m'avait fait bé, ton magé, j'ai bé, get fort une grande tude logivi, ma vie j'ai bé d'où, guine. Wardash en économise, on éventis pontus au barostrain, plus dur. Stall Intermarché, vos heures, zéret, ben triblam, hag, zézon tolva, les villes rostrain, les villes juste, puis ouais, spendo, han, du, do, labour, à des noms, quoi. Bon, politico, y'en a glace, que, har, zé, mais, zuroir, et poise, un affaire. Bon, comme ze vécal, zeur, mar, et monde, ze len, guerre, les dents, puis dur, tant, ma tant, mon honte, hisk, hag, mon dracal, ze dut, de veld, à Zuroir, pas de nom vocal, je dis, d'un taille de veld. Hars d'ours, ou à bit de zaved, ou à croque de zével, non? Bah, bla, milno, rentri à Wardugan. An, la bourrie, on n'y voit pas de seis, là. C'est-tu, ou à bit de d'igor, de bla, milno, rentré, gon. Ag, bon, blanc, me rétral, je dis, de veld, plus dur. Bip Trégon l'avait disait, de laine. Me semble le vaut que Gretchen ou à l'air. Mais de Bip Trégon, la bête à Brahman. Avait disait Adam. Un vaisseau ou abe de une veseur brezonek, agar galowek, on tombe pibler bavro, a wa gret tro ou jusma de wa kinig tro ou ariez ou braise, das queer, wa arriva, cinéma, prezegenu, arvestu, ag bob sort tro. Puis on commence de zeur brezonek was, or guerilla dur euskar ag brezonek, eus obe de imban un vaisseau, Skarag brezon nog a brezon nog Skarag. Skarag est le basque, hein, une galag. Hag lever zeus au, guerriad ur zeus au scrivet gant Patrick na basque. Hag imbande de gant nabaden ou gant imbande a durio e lanv. Coustera triver euro. Hag an sem un peu soin de ziski Skarag. Dre ar brezon nog, n'est que met triver euro. N'est que tout d'un trou. Comme je vais déjà, puis on compte de ce brison de Grasse, de ce reda de Gévidor brison de Babla d'Auville-Huizek, bamise du, de vous dire babet quand on a un officier le redadak. Ah, ce goût-là, quand on a réseau capteur, quand on a un de d'Orzé. Parce que quand on a un de Morgane. On est moi encore au Borzé. Ma trêve, on avait fait bémote. Mais des goulens quand tu d'avoir scrivant, Robert. Rêve des scrivants. Serge Louane, sais-tu. Vais fait bémote. Bon, ma gouelle vaut, puis ça m'aude, quand tu vois en mode, vide en grand oeuvre, redadec. Bon, sais-tu, même vrai, on tombe trop à pessonner, vébavro, à la randartier norvégienne, Morgane. Qu'est-ce que vous, Eric?